La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur, née Rostopchine en 1799 à Saint-Pétersbourg, est morte en France à l'âge de 74 ans, après avoir connu au fond trois existences, une enfance en Russie, puis une première vie à élever plus ou moins seule ses huit enfants en Normandie avant de se découvrir à 55 ans. Une vocation d'écrivain, Marie Desplechin nous en parlait hier. Une écrivaine expatriée donc, qui va peupler ses livres de personnages d'étrangers, comme nous le verrons demain, avec Isabelle Nier-Chevrel. Elle nous parlera aussi des illustrations qui ont accompagné ses livres et plus généralement de la littérature jeunesse à l'époque de la comtesse. Enfin, jeudi, gourmandise et subversion. Nous parlerons d'abord de la nourriture chez Sophie de Ségur. Ce sera avec Marie-Josée Strich, avant de terminer par une relecture aux accents sadiens des petites filles modèles par l'écrivain Romain Slocombe. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous continuons de nous demander qui était Sophie de Ségur, comment elle envisageait son travail d'écrivain, ce qu'étaient ses opinions politiques. Nous le faisons avec Mayalen Berasategui, auteure en 2011 du livre « La comtesse de Ségur ou l'art discret de la subversion » paru aux presses universitaires de France. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. J'ai commencé par les malheurs de Sophie. Puis les petites filles modèles, l'auberge de l'ange gardien, après la pluie le beau temps, comédie et proverbe, et je suis en train de lire un bon petit diable. Il y a quelques mots qui sont anciens et que je comprends pas beaucoup, alors je demande à maman. Tu dirais que c'est des enfants comment ? Je sais pas, Sophie, Paul et tout ça. Des enfants qui s'aiment beaucoup, qui se disent ah, ma bonne Sophie. Mon cher bon Paul, j'aime beaucoup comment ils se parlent et puis la gentillesse qu'ils se donnent à chacun. Bonjour Mayalen Berasategui. Bonjour. Est-ce que vous étiez aussi une petite fille quand vous avez découvert, vous, la comtesse de Ségur ? Oui, moi je l'ai découverte en commençant par les vacances et après par les malheurs de Sophie et après par les petites filles modèles et après tout le reste. Vous vous souvenez de votre souvenir de ces lectures à ce moment-là ? Je me souviens particulièrement des malheurs de Sophie qui m'ont laissé dans un état de stupéfaction assez complet. Parce que il y avait quelque chose qui me paraissait bizarre et j'arrivais pas à me l'expliquer. Et en fait, dans l'édition que j'avais, on pouvait retourner le livre et derrière il y avait écrit « Et si c'était par la fin que tout commençait ?» Puis il y avait un petit dossier et des petits jeux. Et dedans, en fait, on nous faisait voir que finalement... Certes, Sophie, elle fait des bêtises, elle est punie, blablabla. Bla, bla. Mais Paul, tu es un écureuil. La mère de Sophie, elle lui dit « Oui, ton père, il a acheté une boîte à ouvrage pour moi. » Pas du tout, elle est pour Sophie, donc la mère, elle ment. Bref, tout le monde fait des trucs pas possibles pour lesquels il y a zéro conséquence. Et dès que Sophie bouge un orteil, c'est une tragédie nationale. Et je me suis dit « Mais oui, mais c'est ça, en fait. » Vous vous êtes identifiée, en fait. C'est ça la force de la comtesse de Ségur, non ? C'est la force de la comtesse de Ségur, c'est qu'elle ne dit pas ce qu'elle pense dans le texte, mais ça ressort quand même. Ce côté, cette étrangeté, où elle ne dit à aucun moment dans les malheurs de Sophie qu'elle prend parti pour la mère, en fait. C'est les adultes qui pensent ça. Mais moi, en tant qu'enfant, je me disais, c'est bizarre, cette mère-là, elle n'est pas normale, elle a quelque chose d'étrange. Et quand on lit Les petites filles modèles et Les vacances, et qu'on voit les différents modèles éducatifs auxquels Sophie est confrontée, on se dit, bah oui, la mère formidable, c'est Madame de Fleurville, et donc tout ceci fait sens, Madame de Réan n'était pas une bonne mère, entre guillemets. Donc c'est un livre pour qui alors ? Pour les enfants ou pour les parents ? Je pense que c'est des livres pour tout le monde, la comtesse de Ségur. Surtout... par exemple, des livres comme La Fortune de Gaspard se lisent parfaitement à l'âge adulte. C'est des intrigues qui sont probablement plus simples parce que c'est plus court que beaucoup de livres pour adultes. Mais ça peut être lu par n'importe qui et à plus forte raison par des gens qui se demanderaient de quoi sont capables des enfants ou quelle est la marge de manœuvre dont disposent les enfants. Ensuite, vous avez voulu vous pencher davantage sur la comtesse de Ségur au point de consacrer ce gros essai, paru donc aux presses universitaires de France. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin? Alors, c'est aux presses universitaires de Rennes, je le dis parce que sinon ils vont être vexés. Oui, c'est un peu une partie des presses universitaires de France. Ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, c'est un de mes enseignants. Je vais donner son nom parce qu'il a eu un magnifique prix pour un de ses bouquins, il s'appelle Vincent Robert. Et il avait dit, quand j'étais étudiante à la Sorbonne, oui en fait, Gaston de Ségur, donc le fils de la comtesse de Ségur, dont on a pas mal parlé hier, il est catholique comme ça parce que sa mère, c'est une convertie. Et donc c'est elle qui l'a élevé comme ça dans une tradition religieuse un peu sévère. Et je me suis dit, mais pas du tout, c'est lui qui l'a embarqué là-dedans. Et je me suis dit, en fait, c'est très difficile de se rendre compte des idées que défend vraiment la comtesse de Ségur quand on n'est pas très très précisément dans le contexte dans lequel elle écrit. Parce qu'elle a une image de grand-mère écrivain, une image de grand-mère qui écrit pour ses petits-enfants, et pas du tout pour un public plus large, qui est telle qu'on se dit, la comtesse de Ségur, c'est la quintessence de l'aristocratie et la quintessence de ce que pensent les catholiques. On va pouvoir développer justement ce qui constitue un petit peu votre thèse, Maïalène Berasategui. Dans l'université, aujourd'hui, est-ce qu'on étudie beaucoup la comtesse de Ségur? De plus en plus. Heureusement, il y a eu un passage à vide de plusieurs dizaines d'années parce que ben voilà, c'était une aristocrate, c'était une catholique bien pensante, donc c'était quelqu'un qui n'était pas digne d'être étudié, surtout à un moment où on remettait beaucoup en avant les femmes écrivains et où on avait l'impression que la comtesse de Ségur, ben, elle ne s'était pas battue pour écrire, elle n'avait pas souffert, elle n'avait pas lutté comme d'autres femmes auteurs, et il fallait mettre en avant plus des modèles féministes, en fait. Et qu'est-ce qui fait, justement, que maintenant on y revient un petit peu? Je pense qu'on se rend beaucoup plus compte maintenant des difficultés qu'elle a pu avoir et de ce qu'elle a apporté de vraiment nouveau à la littérature. Ah, c'est dur à expliquer. C'est-à-dire qu'au début du livre, on ne peut pas deviner ce qu'elle va nous montrer dans la suite. Oui, je suis d'accord. Ça, on ne peut pas deviner. On n'est pas devin, comme on dit. Et c'est au fil du livre qu'on devine, tu vois. C'est comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Et je crois que c'est un peu le mode sur lequel sont faits les romans de la comtesse de Ségur. Il me semble qu'elle veut faire durer le suspense, tu vois. Elle veut pas nous dire tout de suite tout, tu vois. Vous voyez, c'est comme ça, elle veut faire durer le suspense. C'est une bonne analyse, au fond. Complètement. Une bonne critique littéraire de cette petite fille. Alors, dans votre essai, Maïalène Berasategui, publié au Pur, vous soulignez qu'à bien des égards, la comtesse de Ségur constitue une exception dans le paysage littéraire français. Et si elle est une exception, c'est d'abord parce qu'elle n'a jamais revendiqué son statut d'écrivain. Complètement. En fait, il y a, même dans l'œuvre de la comtesse de Ségur en général, il y a très peu de personnages de grand-mère. Les vieux sont inquiétants, sont un peu hors norme. La grand-mère traditionnelle est finalement assez absente, sauf la dédicace du début. Et en fait, elle se sert de la dédicace de chaque bouquin pour dire « Je ne suis pas un vrai écrivain, je suis une grand-mère, j'écris pour mes petits-enfants, je m'inspire de mes petits-enfants. Du coup, ne venez pas me chercher noise, je suis gentille et je ne transgresse absolument aucune règle. » Donc elle se met en scène comme étant elle-même une grand-mère. Il faut rappeler qu'elle a 55-57 ans quand elle commence à écrire. Oui, mais au tout début, en fait, son éditeur veut publier les nouveaux contes de fées sous le titre « Contes d'une grand-mère ». Et elle dit « Non, mais non, un conte d'une grand-mère, il y a des contes à mon neveu, à mes petits-enfants, à ma petite nièce, il y en a 50 des comme ça, juste 5 contes, c'est très bien. » Au départ, elle ne partait pas sur cette idée-là. Donc elle se fabrique une image qui serait une image de quoi? De grand-mère idéale? De grand-mère idéale et surtout de grand-mère attachée nommément à chacun de ses petits-enfants, donc de grand-mère qui a une pléthore de petits-enfants mais qui adapte son discours à chacun d'entre eux, et de grand-mère qui n'est pas un bas bleu, qui touche des droits d'auteur, qui s'intéresse aux traductions de ses ouvrages et qui a des considérations très pratico-pratiques d'écrivain à gérer, en fait. Et la toute dernière dédicace, parce qu'elle sait qu'elle écrit son dernier roman parce qu'elle devient très âgée, ça se termine par « Je te bénis en finissant ma carrière littéraire ». Donc elle le sait qu'elle a fait une carrière littéraire, mais c'est tout à la fin qu'elle le dit. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça, cette utilisation des dédicaces pour passer pour une grand-mère finalement inoffensive. Est-ce que ça signifie qu'elle cherche à se ménager un espace de liberté en passant pour quelqu'un qui finalement serait plutôt un écrivain du dimanche, un écrivain amateur? C'est ça votre idée, Maïalène Berasategui? Complètement, parce qu'en fait, elle vient d'un milieu à ce moment-là où les femmes qui écrivent, c'est mal vu. Il y a de plus en plus de femmes auteurs. Ça pose des problèmes si ça devient vraiment une question sociale. Et la littérature de jeunesse aussi devient quelque chose dont on parle beaucoup. Donc ça n'a rien d'évident pour une femme de son milieu à ce moment-là d'écrire même pour la jeunesse. Des gens comme Louis Veuillot sont très opposés à l'écriture des femmes. Donc en fait, elle transgresse quand même une norme. Et c'est difficile pour elle. Et choisir d'aller chez un éditeur comme Hachette, c'est aussi un moyen d'agrandir sa marge de manœuvre parce que c'est un éditeur libéral et pas un éditeur catholique. Et pour vous, elle a vraiment choisi, parce qu'on a raconté hier comment finalement c'est grâce soit à Veuillot, soit à son mari Eugène qu'elle arrive chez Hachette. Est-ce vraiment un choix? En fait, quand elle envoie ses tout premiers comptes à Hachette, elle en envoie deux. Donc elle envoie pas tout le bouquin. Et elle sait déjà que ça va être publié. Donc, à mon avis, la version la plus plausible, c'est quand même que Hachette, ça l'arrange aussi de faire un partenariat avec Eugène de Ségur, qui est le patron des Chemins de Fer de l'Est. Et donc, ça l'arrange aussi de publier sa femme pour des raisons de contrat, de relations d'affaires. Donc, elle sait déjà qu'elle va être publiée et elle sait qu'elle veut être écrivain et qu'elle veut continuer à ce moment-là. Dans sa correspondance à son éditeur, c'est très clair. Et c'est un combat pour elle de dire... Non mais par contre, vous allez passer par moi et pas par mon mari, pas par mes enfants. Les corrections, c'est moi qui les fais. Les négociations sur les manuscrits, c'est moi qui les fais. Et rien que ça, c'est difficile. Dans le même temps, en lisant votre essai, on se demande dans quelle mesure vous considérez qu'elle est inconsciente du fait qu'elle est un grand écrivain. On se demande si, pour vous, elle ne se contente pas d'écrire des histoires sans savoir quelle est la portée de ce qu'elle fait. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une impression qu'on peut avoir à la lecture? Je pense que c'est quelqu'un qui a une sainte horreur du conflit, en fait. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'elle renégocie ses contrats avec son éditeur, mais jamais à hauteur de ce que les ventes rapportent à Hachette. Elle renégocie chaque fois qu'il essaye de censurer ses manuscrits, mais elle laisse quand même couler un certain nombre de choses. Donc je pense qu'elle s'installe dans ce rythme d'écriture qui lui procure quand même des revenus substantiels au fur et à mesure, et que effectivement, par exemple, elle a jamais choisi d'écrire pour des adultes, elle a jamais choisi de faire l'équivalent d'Oliver Twist, par exemple, alors que très évidemment elle lisait Dickens, de faire un truc qui aurait demandé plus de travail. Elle se l'a interdit ou elle n'a juste pas souhaité aller dans cette voie-là? Je pense qu'une fois qu'elle est dans un créneau qui marche et qu'elle arrive à publier malgré tout l'essentiel de ce qu'elle veut, parce qu'elle est quand même beaucoup moins censurée que d'autres auteurs pour la jeunesse de son époque, une fois qu'elle est là, je pense qu'elle se dit qu'elle a sa marge de liberté maximale et que donc elle reste dedans. Donc elle s'applique à passer pour une grand-mère vénérable et en même temps, on ne peut pas nier le fait que ses romans sentent le soufre, Maïalène Berasategui. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux choses-là? Alors, ils sentent le soufre parce que, comme ses enfants sont très bien placés dans les milieux catholiques, toute une partie de la presse catholique rêve de la brûler en place publique, mais ne peut pas le faire, parce qu'elle est très protégée par les milieux catholiques, et que donc, si on dit que c'est pas bien, si on dit qu'il faut pas lire ses livres, on se met à dos son fils, Monseigneur de Ségur, on se met à dos Anatole de Ségur, qui est aussi très influent dans les milieux catholiques, on se met toute la Smala Ségur à dos. Donc en fait, ses livres choquent, même Hachette, et à chaque fois elle doit négocier pour placer certains extraits. Les extraits sur la violence éducative, notamment, à chaque fois, c'est un combat pour les garder. Et les morts d'enfants aussi, par exemple. Mais ce qui choque le plus à l'époque, c'est pas la violence qui nous choque aujourd'hui. Ce qui choque le plus à l'époque, c'est ce dont parlait la petite fille tout à l'heure, c'est les relations amoureuses entre les personnages. Alors, si ces livres sentent le soufre, c'est peut-être parce que elle-même a une histoire personnelle qui sent un peu la poudre. On sait que la comtesse de Ségur est née Sophie Rostopchine. Son père, le comte Rostopchine, qu'elle adorait, avait été l'ami et le ministre d'un tsar plutôt fou, Paul Ier. On imagine la force, la violence, le caprice, la bonne humeur, éventuellement la cruauté d'un tel papa. Paul Ier assassiné, le comte se retire à Voronovo, à 50 km de Moscou. Immense domaine. 25 000 hectares. Des centaines de domestiques qui sont encore des serfs. des bruits de Knut, des cris. Sophie, toute petite, entend cela. Ce n'est pas sa mère qui lui bouchera les oreilles. Sa mère, qui va au scandale se convertir au catholicisme, est une jeune femme austère, sans tendresse, sans douceur. Quand les armées de Napoléon arrivent près de Moscou, le comte Rostopchine est gouverneur militaire de la ville. C'est lui, prétend-il, qui mit le feu à Moscou. Tolstoï, dans La guerre et la paix, fera un portrait de lui terrifiant. Hortense Dufour, auteur d'une des biographies de Madame de Ségur, dit qu'en lisant La guerre et la paix, la comtesse fut prise d'une attaque d'apoplexie. Ce côté sulfureux, Maïalène Berasategui, cette cruauté parfois aussi dans les romans de la comtesse de Ségur, est-ce que vous la comprenez mieux quand vous étudiez la figure du père et l'image du père? En partie. En fait, le comte Rostopchine, c'est avant tout un homme politique. Vu de la France, ce qu'il a fait paraît absolument hallucinant, à savoir décider d'incendier Moscou pour que les troupes napoléoniennes n'aient pas accès à des vivres et ne puissent pas se reposer et soient absolument coincées. Mais vu de la France, c'est l'homme qui, quelque part, d'une certaine manière, tout seul, a réussi un acte d'autodestruction tel que la Grande Armée est tombée, en fait. Et quand elle met dans ses dédicaces qu'elle est née Rostopchine, tout le monde sait à quoi ça fait référence. Et d'une certaine manière, elle peut aussi peut-être plus écrire de choses scandaleuses du fait de l'image de son père. Après, je pense qu'en tant que particulier, son père a probablement eu moins d'impact pour tout ce qui est vraiment violence que sa mère. Mais c'est quand même une telle légende reprise par les poètes et les écrivains de son temps. Cet homme qui mêle le grandiose au bizarre, le patriotique et la folie. Là encore, on ne peut pas ne pas avoir ce personnage en tête quand on lit les romans de la comtesse de Ségur. Ah mais complètement, un personnage comme le général Dourakine, donc Dourak ça veut dire imbécile en russe. Hein. Donc déjà le général Dourakine, le contexte est posé. C'est un personnage de vieux général russe complètement excentrique qu'il faut aller sauver à la guerre parce qu'en fait il est bon à rien et tout un tas de situations complètement absurdes ou complètement décalées témoignent d'un amour de la comtesse de Ségur pour tout ce qui sort de la norme en fait, complètement. Elle a une galerie de personnages secondaires absolument exotiques pour 10 000 raisons différentes et de beaucoup de nationalités, mais voilà, très très exotiques. Qui témoigne de son propre décalage et du décalage qui est aussi celui de sa famille quand ils arrivent en France. Oui, là, en effet, elle était servie. Alors, le décalage, c'est peut-être aussi l'immoralité et en même temps le classicisme, parce que vous expliquez bien dans votre essai qu'elle est devenue un classique. Alors, comment on devient un classique, Maïalène Berasategui? Je pense qu'on devient un classique en restant un peu le dernier des derniers. C'est-à-dire que des gens qui ont écrit de la littérature de jeunesse, un peu à la manière de la comtesse de Ségur, il y en a énormément, à commencer par ses propres filles. On devient un classique... Moins bien, quand même. Ah oui, clairement. C'est mignon, hein, mais c'est moins bien. On devient un classique quand on a quelque chose, je pense, de suffisamment original, de suffisamment en dehors des clous, et en même temps de suffisamment universellement compréhensible pour que ça traverse les générations, et je pense que c'est le cas de la comtesse de Ségur. C'est pour ça qu'elle se cache derrière son voile de grand-mère, pour faire croire que c'est quelqu'un de tout à fait conventionnel, et arriver derrière ce côté en apparence conventionnel à faire passer autre chose. C'est peut-être pour ça qu'elle devient justement un classique. Oui, et en fait c'est quelque chose qu'elle apprend vraiment à faire au cas par cas, c'est-à-dire qu'au départ quand elle écrit, tout le début de sa carrière c'est vraiment, voilà, comment je vais pouvoir écrire pour écrire ce que j'ai envie d'écrire sans qu'on me dise que c'est pas publiable. Et typiquement, les mémoires d'un âne, elle sait que ça va pas être dans les clous parce qu'elle utilise donc le personnage de Cadichon en disant, voilà, ce n'est pas un être humain, il n'a pas à gagner son salut, ce n'est pas un catholique, donc les questions morales, on s'en fiche. Elle sait très bien que ça va pas passer, elle l'envoie à Hachette en lui disant, tu le prends ou je change d'éditeur. Hachette dit non. Et elle est obligée de rajouter tous les derniers chapitres où Cadichon se fait fouetter jusqu'au sang, décide que finalement il va devenir un peu gentil, bref, tout ce dont on s'attend à ce que ce soit très respect de l'ordre, tout ça, c'est pas la comtesse de Ségur qui l'a écrit volontairement, il a fallu qu'elle le rajoute. Juste après, elle a écrit Pauvre Blaise, où là c'est bien catholique, parce qu'elle s'est aussi dit que, au moins, là, elle devrait pas rajouter trois chapitres juste avant de rendre le bon à tirer. Donc finalement, c'est pour ce qu'elle a rajouté que certains ne l'aiment pas. Je crois que Yourcenar, Monterland l'a détesté, San Antonio aussi disait, enfin, parlait de son œuvre à la con, voilà, qui resterait l'une des hontes de son enfance. Une phrase un peu incompréhensible, mais est-ce que c'est ça, justement, que... Qu'on n'aimait pas, enfin que certains n'aimaient pas dans la comtesse de Ségur. Je pense que pour Monterland, Yourcenar et San Antonio, ce qu'il est bon, déjà les deux premiers ont à répondre de manière identitaire de leur appartenance ou non à la noblesse et à l'aristocratie, donc ça a un impact sur eux parce que la comtesse de Ségur devient la définition d'une certaine noblesse, d'une certaine aristocratie, donc identitairement ça les touche, il faut qu'ils se positionnent par rapport à ça. Mais pour tout un tas d'auteurs adultes, pendant très longtemps, ça a été très difficile de dire qu'ils avaient été influencés par la comtesse de Ségur. C'est honteux parce qu'elle est censée être réactionnaire, défendre les possédants, défendre l'ordre, la hiérarchie, d'une certaine manière l'ancien régime, ce qui n'est absolument pas le cas. Et du coup, c'est difficile de dire qu'on a aimé un auteur comme ça et qu'on n'a pas compris les enjeux. Alors, un classique, ça se sent aussi par ce qu'on en fait. On peut en faire des films, comme c'est le cas par exemple en 1946 de Jacqueline Audry, qui a adapté Les Malheurs de Sophie. En quoi est-ce que ce film montre que la comtesse de Ségur est devenue un classique, Maïalène Berasategui? Je pense par la propension à s'en libérer. C'est-à-dire que, en fait... au départ, c'est un film qui a été décidé pour une petite fille qui s'appelait Bijou Olinska. Patrick Modiano a écrit un roman sur elle qui s'appelait La Petite Bijou, qui était une espèce d'enfant star sous l'occupation. Et donc, ils lui cherchaient des scénarios et ils se sont dit, on va prendre un truc bien ancré déjà dans la littérature classique, on va pouvoir la mettre au milieu, parce que de la littérature française avec une héroïne féminine, c'est pas évident, mine de rien, à cette époque-là. Et en fait, le scénario va complètement changé parce que 44 arrive et que Bijou, il faut qu'elle parte. Donc les conditions de tournage vont être très compliquées. Mais en fait, ça va devenir une adaptation extrêmement libre où finalement Paul Daubert devient républicain parce que Paul Daubert étant le personnage positif principal, il ne peut pas être autre chose que républicain. Donc c'est à la fois... c'est une œuvre qui s'adapte, c'est ça. C'est une œuvre qui s'adapte, et surtout que Jacqueline Audry étant quand même absolument pas quelqu'un qui a défendu Pétain, c'était aussi utiliser la comtesse de Ségur pour défendre, d'une certaine manière, la révolte, défendre la résistance. Et puis dernière chose, alors qui peut faire que la comtesse est déjà, depuis très longtemps, un classique, c'est que la psychanalyse s'y est intéressée. Complètement. Et en fait... autant la génération des enfants de la comtesse de Ségur avait un objectif, c'était de faire béatifier Gaston de Ségur. Et donc pour eux, la comtesse de Ségur, c'est la mère d'un saint, donc il faut vraiment qu'elle soit très très réglo au niveau catholicisme. Autant pour la génération des petits-enfants, les enjeux familiaux sont différents. Et du coup, comme eux font partie de la génération où on dit « mais elle est un peu sadique, dis donc, votre grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il faut qu'ils se positionnent par rapport à ça. Alors Arlette de Pitré va dire, mais non, mais elle a jamais frappé personne. Et Paul de Pitré va dire, oui, alors sa correspondance a été complètement expurgée. Et les lettres, oui, effectivement, ça sent un peu le soufre. Mais ça permet, je pense, paradoxalement, de relancer la comtesse de Ségur à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les psychanalystes, d'après vous? Est-ce qu'on en utilise la comtesse de Ségur? Freud dit que ça fait partie avec la case de l'oncle Tom. Alors, il ne cite pas nommément la comtesse de Ségur, mais il cite la bibliothèque rose, ce qui, à ce moment-là, revient quand même beaucoup au même. Il dit, en gros, c'est les romans qu'ont lus mes patients masochistes. Ce qui est en partie vrai, mais en même temps, quand on prend la littérature de jeunesse à ce moment-là sur cette question-là, dans Sans Famille, il y a des scènes de flagellation. Dans Oliver Twist, il y en a. Enfin, il y a énormément de romans pour la jeunesse où il y en a. Donc, il y a eu, au fur et à mesure des années, une édulcoration de la littérature pour jeunesse? À ce niveau-là, clairement. Je pense. J'ai vu un album pour enfants il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié le titre, qui était vraiment un précis de sadomasochisme pour la jeunesse. C'était très étonnant. Mais oui, globalement, de ce point de vue-là, oui. Mais même dans la façon dont on se représente la sexualité des enfants, si vous regardez, on est très très obsédé aujourd'hui par la pédophilie. Et d'autre part, Fifty Shades of Grey fait partie des plus grosses ventes de ces dernières années. Mais on ne va jamais, jamais, jamais jusqu'à dire qu'il existerait des adultes dont la pulsion serait spécifiquement d'abuser physiquement d'enfants. Ce sont des livres qui sont comme moi, j'aime que les livres soient, et comme j'essaye que mes livres soient, mais ce sont des livres qui donnent des sensations immédiates. C'est-à-dire qu'elle arrive à vous toucher à l'endroit où on est peut-être aussi fragile, où on est peut-être vulnérable, où on le restera toujours. Et elle ne donne pas des solutions encore qu'elle essaye d'en imposer, mais surtout, elle donne quand même un moyen de participer. Et je crois qu'elle sort les enfants d'une sorte d'isolement. Mais je crois qu'elle leur donne très vite ce qu'ils désirent farouchement et qu'ils n'auront pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on se baffre avec cette lecture, parce qu'au fond, les enfants savent très bien que ce n'est pas le monde qu'ils auront. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de La Comtesse de Ségur avec Maïalène Berasategui. Alors si les enfants se baffrent, comme le dit Viviane Forrester dans cette archive, c'est parce que la comtesse décrit, pense-t-elle, un monde qui ne sera pas celui qu'ils auront. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? En partie. En fait, ça fait partie des choses qui ont beaucoup étonné les premiers lecteurs de La Comtesse de Ségur quand ils sont eux-mêmes devenus âgés, où ils disent « mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le côté réaliste, vraiment le côté Balzac des enfants, une société qu'on connaissait. Cette société-là, elle n'existe plus, les enfants de maintenant, ils roulent en automobile, ils ont des diabolos, on vient de découvrir plein de nouvelles planètes, là. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans La Comtesse de Ségur ? Et je pense que justement, cette société très différente de la leur, et d'une certaine manière, certains types de relations individuelles, notamment entre des enfants et des adultes qui choisissent, qui ne sont pas dans leur famille biologique, mais qu'ils choisissent pour les guider, ça fait partie des choses qui font que les enfants adhèrent. Donc ça reste pour vous totalement actuel ? D'une certaine manière, oui. Notamment sur tout ce qui est rapport de pouvoir, je trouve que c'est assez actuel. Alors tout à l'heure, Maïalène Berasategui, on parlait de comment la comtesse de Ségur avait contourné les censures diverses et variées, censure éventuellement de sa famille, censure de son éditeur, et vous avez commencé à parler du rôle de Gaston, qui est au fond le fils préféré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage le rôle que lui a eu sur les manuscrits ? Parce qu'il est allé assez loin dans la correction, si l'on peut dire, de ces manuscrits-là. Complètement. Alors en fait, Gaston, il est aussi très utile parce que, effectivement, on peut se dire, elle les fait d'abord lire à sa famille, alors à Gaston, à certains de ses petits-enfants, et après, elle les soumet à l'éditeur. Donc il y a comme ça un phénomène de double censure. Mais la première censure, elle sert aussi à dire à l'éditeur, bon ben voilà, je l'ai lu avec ma famille, on a fait telle modification, maintenant, eux, ils sont à peu près d'accord, ils sont très catholiques et ils sont très moraux, donc je te donne le manuscrit qui ne leur pose plus problème, tu es gentil, tu veux bien l'accepter s'il te plaît. Et donc du coup, en fait, dire je l'ai fait lire à ma famille, etc. Y compris aux enfants d'ailleurs. Oui, y compris aux enfants. Il faut que les enfants valident. C'est vrai, oui. Ça ou pas, elle le faisait vraiment lire ou pas ? Oui, et elle conseille à son éditeur de le faire lire aux enfants, notamment parce qu'elle dit, vous me dites que telle ou telle personne dit que tel ou tel passage est sulfureux, faites-moi plaisir, faites-le lire à vos enfants. Si vos enfants ne sont pas traumatisés, c'est que l'adulte en question doit avoir un petit problème quand même. Ouais. Et Louis Veuillot, alors c'est la même chose, parce que Louis Veuillot, il faut le convaincre également, ça a beau être une sorte d'alter ego de la comtesse de Ségur, en même temps il n'aime pas tellement les femmes qui écrivent, enfin il faut le forcer un peu à aimer ça. Il est très ennuyé. Louis Veuillot a publié dans l'Univers un article vraiment très long pour expliquer comment les bons livres, donc rapidement, les espèces de bluettes qu'on fait lire aux enfants et qui sont considérées comme des livres plus ou moins moraux, c'est vraiment terrible, surtout quand c'est écrit par des vieilles célibataires, mais La Comtesse de Ségur, ce n'est pas ça. Il doit écrire toute une défense de La Comtesse de Ségur, mais en même temps, lui-même est très ennuyé. Et c'est vraiment tout à la fin de sa vie, enfin, dans les années 1870, où il écrit une lettre et il dit que vraiment, elle fait honneur à la littérature et il ajoute « Je n'ai vraiment aucun problème pour écrire ce que j'écris parce que tout le monde pense comme moi. » Donc même à la fin, c'est compliqué pour lui de lui dire « Vous êtes un vrai écrivain et vous écrivez vraiment très très bien. » Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'au fond, elle est parvenue à s'imposer extrêmement progressivement, y compris dans les milieux qui répugnent traditionnellement à tolérer l'écriture féminine. Et c'est peut-être ça, au fond, Maïalène Berasategui, qui lui a permis de durer et de rester aujourd'hui une référence. Oui, je pense que la liberté qu'elle avait d'écrire à la fois en étant chez un éditeur libéral et en étant à peu près sûr que la presse catholique ne pourrait pas lui tomber dessus, ça lui a vraiment donné une liberté supérieure à d'autres auteurs de la même époque. Et ça explique en partie pourquoi elle est restée. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Mayaen Verasategui, je vous présente Olivier Mauny, amoureux de littérature, auteur lui-même, faut-il le rappeler, et chroniqueur bien connu des auditeurs de la compagnie. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, vous ne comptez pas nous parler d'un écrivain justement oublié, comme vous en avez l'habitude, mais bien de François Mitterrand. C'est vrai Mathieu, c'est vrai, même si c'est d'un François Mitterrand peut-être un peu plus méconnu, lui aussi, dont je souhaite vous entretenir, c'est-à-dire du François Mitterrand lecteur, du lecteur compulsif qu'il était et qu'il est resté jusqu'à la fin, y compris d'ailleurs, et peut-être encore plus, durant ses deux mandats présidentiels. Alors vous dites qu'on ne savait pas qu'il était un grand lecteur, on le savait quand même un petit peu. Oui, bien sûr. Mais l'image du grand lecteur qu'il était, que l'on en a, est souvent parcellaire, voire réductrice. Mitterrand, qui se fit photographier, comme vous le savez, pour son portrait officiel par Gisèle Freund, tenant entre ses mains un exemplaire ancien des Essais de Montaigne, est perçu comme l'homme des classiques, autant, et il s'en agaçait beaucoup d'ailleurs à la fin de sa vie, qu'un lecteur des grands auteurs de la droite française, Chardonne d'abord, son voisin Charentais, mais aussi Barrès ou Péguy ou Drieux également. Or, sa bibliothèque, si elle ne dément en rien l'érudition qu'on lui prête, est bien plus riche et complexe que cela, à l'image peut-être de son propriétaire. Alors, quelles sont ces surprises, justement, que vous nous promettez, qui étaient finalement le François Mitterrand lecteur ? Bon, alors d'abord, je veux préciser que je n'ai pas de prétention en la matière à l'exhaustivité, comme en lettres. Disons seulement que François Mitterrand fut toute sa vie ce qu'un lecteur devrait toujours être, justement, un curieux. Le domaine étranger, par exemple, qui n'était pas, c'est vrai, celui qui lui était le plus familier, et le domaine anglo-saxon encore moins. Pourtant, dans L'année des adieux, bon livre, Laure Adler note sa fréquentation de l'œuvre de Raymond Chandler et sa passion pour Adieu ma jolie. De même, il fut proche des grands auteurs du boom latino, le Garcia Marquez de Cent ans de solitude bien sûr, mais plus encore Carlos Fuentes, qui, il est vrai, vivait alors à Paris, ambassadeur à l'UNESCO. Celui dont il fut le plus proche, eu égard aussi à sa germanophilie de lecteur d'Hölderlin et de Mann, demeure toutefois Ernst Jünger, qu'il reçut plusieurs fois à l'Élysée et à qui il rendit un jour impromptue visite en plein voyage officiel en Allemagne. Il tenait Jünger pour un Gracq allemand, à moins peut-être que ce ne soit l'inverse, et Sur les falaises de marbre pour l'un des livres essentiels de son temps. Est-ce Jünger, d'ailleurs, qui le mena à son traducteur français, l'immense poète et romancier Henri Thomas, sans doute, ainsi qu'un goût commun des territoires, des îles et de la liberté souveraine de l'individu. Dans sa correspondance avec son ami Gérard Le Guic, Thomas, invité à l'Élysée, raconte ce dialogue savoureux avec son hôte. Permettez-moi de vous le citer. « Mitterrand, j'ai 4 ans de moins que vous, nous sommes de la même génération, que voulons-nous ? Thomas, je veux être libre si c'est possible. » Et Mitterrand lui répondre, moi aussi, comme on est vite d'accord. Autre oublié des lettres françaises que François Mitterrand plaçait tout en haut de son panthéon, Paul Gaden, je crois vous en avoir déjà parlé, oui. C'est François Régis. Et Régis Bell. Et François Régis Bastide, dont vous avez également parlé. Et oui, tous les prétextes sont bons, qui, lors de ses séjours dans le sud-ouest, et notamment à Biarritz, lui fit mieux connaître à Mitterrand l'œuvre de Gaden. Il ne la quittera plus, aimant à s'en entretenir avec un de ses ministres issus de la même région, à l'époque, on était au moment de la première cohabitation, François Bayrou, où s'étonnant avec cruauté qu'un autre, Alain Juppé, en l'occurrence, ne la connaisse pas. J'ignore si le maire de Bordeaux a depuis comblé ce manque, je le lui souhaite. Enfin, Mitterrand restait extrêmement attentif aux nouveaux horizons littéraires. Ainsi, sait-on peu qu'il prit fait et cause dès ses premiers romans pour Sylvie Germain, comme il l'avait fait d'ailleurs quelques années auparavant pour Albertine Sarrazin. Et alors, de tous ces Mitterrand lecteurs, Olivier, lequel est-ce que vous retenez le plus ? Quelle œuvre ou quel auteur en particulier ? À dire vrai, ni l'un ni l'autre. Ni une œuvre, ni un auteur, mais peut-être un lieu. C'est-à-dire précisément la bibliothèque qui se trouvait dans sa chambre-bureau de sa bergerie de Latché, bibliothèque où François Mitterrand était si fier d'avoir réuni la collection complète depuis le premier, c'est-à-dire Königsmarck de Pierre Benoît, si mes souvenirs sont bons, de la collection Livres de poche. Le président, par ailleurs grand bibliophile devant l'internel, aimait y relire Stendhal ou Dostoïevski et disait que ces vieux livres de poche conservaient la meilleure odeur qui soit. Aussi vrai, Mathieu, vous ne me détromperez pas, que tout grand lecteur est aussi un fétichiste qui s'ignore plus ou moins. Mais oui, et c'est un grand lecteur qui le dit. Merci Olivier. Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs sur France Culture au deuxième jour d'une semaine consacrée à l'auteur des malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur. Mais avant d'entamer notre seconde partie, voici un extrait, juste pour le plaisir, de son livre Un bon petit diable. Vous savez bien, ma cousine, que je ne mens pas. Vous m'avez battu, comme je le dis, et c'est si vrai que Betty m'a mis un cataplasme de chandelle. Voulez-vous que je vous le fasse dire par elle ? Cette pauvre Betty en pleurait. Madame McMish, vous savez que les mauvais traitements sont interdits par la loi et que vous vous exposez... Oh, soyez donc tranquille, monsieur le juge, je l'ai fouetté, c'est vrai, parce qu'il voulait mettre le feu à la maison ce matin. Mais vous ne savez pas ce que c'est que ce garçon. Méchant, colère, menteur, paresseux, entêté. Enfin, tous les vices, il les a. Ce n'est pas une raison pour le battre au point de gêner ses mouvements. Prenez garde, Madame McNish. On m'a déjà dit quelque chose là-dessus. Et si les plaintes se renouvellent, je serai obligé d'y donner suite. Oh. Un extrait d'un bon petit diable, pas du bon petit diable dans une fiction, qui date du 1er avril 1978. Une interprétation qui vous plaît, Maïalène Darasategui ? Oui, alors forcément, Madame McMish est beaucoup plus... elle est ridicule, mais là, elle a l'air assez inoffensive, alors que c'est quelqu'un, effectivement, de très, très violent. Oui. Donc, elle fait mal, Madame McMish, ça c'est, oui, c'est certain. Oui. Elle trompe son monde, mais c'est quelqu'un de vraiment redoutable. C'est la petite aristocratie, d'ailleurs, Madame McMish. C'est... Alors, Charles, il s'appelle Maclance. En fait, le roman a été transporté en Écosse, en plein milieu de la rédaction, parce que l'éditeur avait dit à la comtesse de Ségur que quand même, c'était tellement violent que c'était pas très, très crédible. Donc, elle a dit, d'accord, en Écosse, ça passe, parce que comme elle sait très bien qu'Hachette... Ils sont tellement violents, ces Écossais, c'est bien connu. C'est ça, et puis surtout, comme Hachette a acheté les droits de Dickens... Il ne peut pas lui dire « Je publie Dickens, c'est pas toi ». Donc, elle sait que tout ce qu'elle va écrire sur Charles et Madame McMish et sur la révolution du pensionnat dans lequel il va être envoyé parce qu'il a décidé de lancer une insurrection, que tout ça, ça doit passer. Sinon, ce n'est pas cohérent. Ah oui, donc vous la décrivez vraiment comme quelqu'un qui est stratège à tous les niveaux. Elle négocie au cas par cas. C'est vraiment manuscrit par manuscrit, c'est détail par détail. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles elle cède quand même, hein, qu'elle n'arrive pas à faire passer. Mais plus elle a du succès, en fait, plus elle arrive à publier un peu ce qu'elle veut. Alors tout à l'heure, je soulignais que Madame McMish, c'était l'aristocratie, sans doute la toute petite aristocratie, mais on lui reprochait justement, et c'est pour ça que je vous en faisais la remarque, de ne s'intéresser qu'à l'aristocratie, la comtesse de Ségur. Alors c'est pas vrai du tout. En fait, il se trouve que ces romans qui marchent le mieux sont ces romans d'autofiction. C'est pas vrai, on lui a pas reproché ou c'est pas vrai, on lui a tout à fait reproché ça, oui, ça. Parce que ces romans qui marchent le mieux, c'est la trilogie de Fleurville, et certes Un bon petit diable, mais il y a cette idée qu'il n'y a que des aristocrates dans ces romans. C'est pas vrai du tout, mais en fait ce qui se passe, c'est que la comtesse de Ségur, c'est quelqu'un qui décrit des personnages qui connaissent des ascensions sociales. Tous les personnages de la comtesse de Ségur changent le milieu social en cours de route et ils s'enrichissent en fait. Enfin, les héros. Les autres, ils peuvent perdre leur fortune, mais les héros, ça marche bien pour eux. Or, comme elle écrit des romans réalistes, les personnages qui vont connaître des ascensions sociales sont des garçons. Donc elle va écrire des garçons des milieux populaires et des filles de l'aristocratie et de la bourgeoisie, parce qu'elle sait qu'une fille n'aura pas, dans la vie publique, les mêmes possibilités d'ascension sociale, que pour le coup, ce serait pas crédible. Donc elles traitent différemment les garçons et les filles ? Oui, en termes vraiment de héros de romans, les héroïnes de romans sont quasiment toutes issues de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, et les héros sont issus de classes sociales plus modestes. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans un sens, on lui reproche d'être ultra conservatrice, de ne s'intéresser effectivement qu'à l'aristocratie, voire même qu'à l'ancien régime, de laisser de côté tout ce qui concerne la révolution industrielle. Et là, c'est le moment où vous dites, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, pour la comtesse de Ségur et l'ancien régime, toute personne convaincue que la comtesse de Ségur adore l'ancien régime doit lire une pièce qui s'appelle « On ne prend pas les mouches avec du vinaigre » dans un bouquin qui s'appelle « Comédie et proverbes » où on a cette espèce de personnage de duègne qui s'appelle Madame d'Embrun qui est complètement ridiculisée et l'ancien régime avec elle parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la comtesse de Ségur écrit, la génération en dessous de la sienne est fascinée par l'Ancien Régime. Le Second Empire, c'est un moment où on met des robes énormes, où les derniers témoins de la Révolution sont en train de mourir. Les gens sont passionnés par ça. Mais elle est russe. Et dans sa génération, chez les Russes, les émigrés, les vrais, ceux qui avaient vraiment connu Versailles, on les a vus débarquer. Et ils se sentaient quand même pas mal sortis de la cuisse de Jupiter. Et ils étaient assez ridicules, finalement. Vous parlez des nouveaux riches, c'est ça ? Non, je parle, par exemple, de... En fait, les deux frères de Louis XVI ont été accueillis par le tsar Paul Ier en Russie. Et ils ont été chassés de Russie parce que le père de la comtesse de Ségur a passé au tsar des lettres dans lesquelles des proches des futurs Louis XVIII et Charles X insultaient nommément le tsar et la cour, en fait. Donc, ils étaient... Quand vous faites partie de l'aristocratie européenne et que vous voyez arriver ces gens qui doivent fuir leur pays parce qu'ils n'ont pas réussi à éviter la révolution et qui ont l'impression d'être un peu des princes quand même et qui se comportent un peu, qui font un peu comme chez eux, en fait, vous ne pouvez pas avoir cette nostalgie-là. Cette nostalgie, c'est la nostalgie de ses enfants, ce n'est pas la sienne. Mais La Fortune de Gaspard, c'est un roman extraordinaire, vous comprenez. Le 19e siècle, vous ne connaissez pas le 19e siècle français et la littérature du 19e siècle français si vous n'avez pas lu La Fortune de Gaspard. Et on ne peut pas avoir d'idée sans avoir lu Hercule Chatrian. Et la comtesse de Ségur, qui est tout à fait autre chose, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est le contraire. C'est la révélation de la société du Second Empire par quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle ne peut pas s'empêcher parce que c'est un écrivain, c'est un véritable écrivain, la comtesse de Ségur. Donc c'est quelqu'un qui regarde, qui restitue. Et elle s'imagine qu'elle restitue en donnant des modèles, alors qu'en fait elle restitue en montrant ce qu'il ne faut pas faire. Et on ne connaît pas le 19e siècle français si on n'a pas lu Sophie de Ségur, dit Jean-Jacques Pauvert dans cette archive. Vous êtes d'accord ? J'irai pas jusque-là, mais ça aide quand même pas mal. Ça aide pas mal en lisant, en ayant un peu conscience des enjeux qui sont ceux de ce siècle-là. Mais ce que je trouve très intéressant, moi, dans la comtesse de Ségur, c'est qu'en fait, à part pour tout ce qui est autobiographique, la question des origines, elle se la pose assez peu. Pour elle, la question primordiale, c'est, voilà, il y a un monde à construire. Dans l'idéal, il faudrait que ce monde soit chrétien. Mais on a des questions très spécifiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait de la pauvreté ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est des gens qui ont vu arriver le catholicisme social. Donc, ils se posent tout un tas de questions sur le monde qu'on va construire. Et tous les personnages de la comtesse de Ségur participent de manière différente à construire le monde nouveau. Pas forcément à reproduire un ordre ancien. Et peut-être en particulier dans La Fortune de Gaspard, justement. Oui. Alors, Gaspard, en fait, le sujet de La Fortune de Gaspard lui a été donné par l'éditeur. Il a dit, ce serait pas mal si vous pouviez nous faire un livre sur les avantages de l'instruction pour le peuple. Et donc, Gaspard est un enfant très intelligent qui est repéré par son instituteur et par le magnat local. Sauf que Gaspard, il est absolument malhonnête. Et que si vous faites partie du peuple, c'est-à-dire si vous faites partie des ouvriers de l'usine, cette espèce de petit contremaître avec les dents qui rayent le parquet, le fait qu'il soit instruit, c'est une calamité totale. Et l'instruction de Gaspard ne fait sens qu'au cours du roman, quand il rencontre sa future femme, qui en fait va le convertir au catholicisme, et il va devenir une espèce de patron paternaliste. Mais il y a une vraie différence entre la manière... Donc là, il y a un vrai point de vue presque politique de la comtesse de Ségur ? Complètement. En fait, dans le feuilleton où c'est publié, il y a beaucoup de choses qui sont tronquées, mais dans le livre, elle explique très bien comment est-ce qu'à la fin, Gaspard fait des écoles, des bibliothèques, comment est-ce que vraiment... C'est le summum du patronat paternaliste. Et qu'est-ce qu'elle en pense, alors ? Ah ben elle est pour, tant que c'est chrétien, ça lui va. Et elle pense que c'est absolument nécessaire et que ça n'a de sens que comme ça. Et il y a une différence dans la façon dont elle parle de l'aristocratie. Les aristocrates ont leurs pauvres, de manière vraiment très individuelle, alors que les gens qui sont issus de classes sociales plus faibles pensent en termes de système. Et une fois qu'ils sont arrivés à la tête de la société, ils changent les choses, mais de manière vraiment systémique, en construisant des institutions, en aidant les gens. Pas des gens qui connaissent individuellement, mais des gens qui sont pauvres. Ils pensent en termes de classe beaucoup plus. Donc elle a un discours construit, politique, parce que Jean-Jacques Pauvert disait dans l'archive qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle critiquait cette société du 19e siècle. Ce n'est pas votre avis alors ? Je pense qu'il y a des choses qui sont, sur lesquelles on ne peut vraiment pas transiger. Elle est très très ultramontaine quand elle écrit, c'est-à-dire qu'elle est pour que le pape puisse continuer à avoir ses états et pour que le pape ait un pouvoir temporel. Et pour elle, on est catholique, même si elle est très très patriote, avant de faire partie d'une nationalité. Donc là-dessus, elle ne transigera jamais. Par contre, elle a quand même un regard sur le capitalisme qui... est un regard anticapitaliste. Elle est à la fois, quand elle va en Angleterre, elle dit mais alors ok, c'est génial, ils ont plein d'objets partout, c'est formidable, mais par contre la pauvreté et les différences entre les classes sociales, c'est très très problématique. Donc elle se pose toutes ces questions-là. Les cris de Sophie, ajoutés à ceux de Camille et de Madeleine, attirèrent Madame de Rosbourg et Madame de Ferville. Elles parurent au moment où Sophie, se débarrassant de Camille et de Madeleine par un coup de pied et un coup de poing, s'élançait sur Marguerite. La présence de ces dames arrêta subitement le bras levé de Sophie. Elle resta terrifiée, craignant la punition et rougissant de colère. Madame de Fleurville s'approcha d'elle en silence, la prit par le bras, l'emmena dans une chambre que Sophie ne connaissait pas encore et qui s'appelait le cabinet de pénitence. Elle la plaça sur une chaise devant une table et lui montra du papier, une plume et de l'encre. « Tu vas achever ta journée dans ce cabinet. Tu vas... »« Ce n'est pas moi, madame, c'est Marguerite. »« Tais-toi ! Tu vas copier 10 fois toute la prière « Notre Père qui êtes aux cieux ». Quand tu seras calmée, je reviendrai. » Madame de Fleurville sortit de la chambre dont elle ferma la porte à clé. Sophie restait seule, pleurait non pas de repentir, mais de rage. Je ne sais pas si vous avez en tête la préface que Jacques Laurent a consacrée aux œuvres presque complètes, je crois, de la comtesse de Ségur dans la collection bouquins, et dans laquelle il parle justement de son rapport à la noblesse. Et lui, il dit qu'elle avait un culte de la noblesse, et que ça se voit d'ailleurs dans ses romans et dans ses personnages. Par exemple, quand Sophie est insupportable, elle s'appelle Ficini, et quand elle retrouve la grâce, elle est de nouveau de Réan, comme si l'aristocratie c'était forcément supérieur entre guillemets à toute autre chose. Est-ce que vous l'avez ressenti vous au cours de vos recherches ou pas du tout? Non, moi j'ai plutôt l'impression inverse, parce qu'en fait, il y a aussi dans la comtesse de Ségur des mariages entre des familles qui sont nobles et des familles qui ne le sont pas, qui sont roturières. Il y a effectivement un côté savoir-vivre, un certain nombre de règles tacites qui existent. Il n'y a pas d'élitisme chez la comtesse de Ségur ? Oui et non, mais c'est plus un élitisme de mœurs communes, si vous voulez, de faire partie du même monde, que réellement lié à l'aristocratie. Ne serait-ce que parce que déjà, d'une part, elle est étrangère, donc c'est quelqu'un qui est malgré tout en partie exclu d'une certaine forme de société. Et d'autre part, parce que au moment où elle écrit, si vous voulez, ne serait-ce que l'union de l'aristocratie et des grandes fortunes financières, des nouvelles puissances, de la nouvelle bourgeoisie, elle est consommée. La comtesse de Ségur a des petits-enfants qui sont tout ce qu'il y a de plus roturiers. Mais vous comprenez quand même qu'on puisse penser ça ou pas ? Oui, je le comprends, notamment parce que quand elle écrit ses romans, elle fait exactement comme elle a fait, elle, avec sa famille ou avec son éditeur. Elle a des personnages qui disent « Je ne veux pas changer de classe sociale, je suis un serviteur, je resterai serviteur toute ma vie. » En fait, il faut absolument dire qu'on ne veut pas faire la révolution et monter des barricades pour changer de classe sociale. Donc si on lit mot à mot ce qu'elle écrit, effectivement, on peut se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce discours complètement réactionnaire ?» Mais si on regarde ce qui se passe... En fait, on se rend compte qu'il y a des ascensions sociales, il y a des aristocrates qui perdent leur fortune parce qu'ils font n'importe quoi. Il n'y a pas de magie qui préserverait la noblesse des aléas du siècle, en fait. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de la comtesse de Ségur avec Maïalène Barasategui. On peut peut-être terminer cette émission, puisqu'on a parlé de politique, on va parler de la foi, sujet que vous avez abordé à certains moments aujourd'hui, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin sur ces idées religieuses, parce que c'est quand même un parcours très étrange que la comtesse de Ségur en rapport avec la foi catholique. En fait, la génération de ses parents, c'est vraiment des gens qui ont lu les philosophes, qui étaient pétris de l'esprit des Lumières, qui étaient francophiles au départ, et Napoléon est passé par là, ce qui a conduit toute une partie de la Russie à se radicaliser. C'est-à-dire que devenir catholique en Russie, c'était prendre la religion de l'ennemi. C'était à ce degré-là de violence, si vous voulez, pour le reste de la société. Et ça a été le cas de beaucoup de gens dans l'aristocratie russe, parce que c'était aussi une manière de rester européen, de pouvoir... Ok, ce serait plus Rousseau, ce serait Joseph de Maistre, mais c'était une manière de continuer, d'accéder à toute une culture européenne. Et elle s'est convertie vraiment pour des raisons personnelles que Marie Desplechin a très bien expliqué hier, parce que sa mère a fait vraiment, vraiment pression sur elle pour qu'elle se convertisse. Et après, elle a suivi Gaston, alors qu'elle ne voulait pas du tout partir là-dedans. Mais ces romans, est-ce qu'on peut parler d'un univers à proprement parler chrétien ? Oui, complètement, complètement. Alors le seul point commun de tous les personnages qui réussissent, c'est qu'effectivement, ils sont ou ils deviennent chrétiens, mais ils ne naissent pas chrétiens. Très souvent, la religion vient en cours de route. Et en fait, elle retrace aussi l'évolution de la religion, parce qu'elle a grandi dans une génération où on craignait encore beaucoup Dieu. Et la piété, ça change au XIXe siècle. Au moment où elle écrit, on ne craint pas Dieu, on aime Dieu et Dieu aime les hommes. Et donc en fait, même dans la trilogie de Fleurville, ça se voit. Dans Les Malheurs de Sophie, Dieu, c'est un truc qui punit, qui est complètement omniscient. Le purgatoire, ça n'existe pas. La miséricorde, ça n'existe pas. Il faut être bon ou méchant et il n'y a rien entre les deux. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt une initiation, alors, une initiation vers la bonté, la morale, la foi, appelons ça comme vous voudrez. Est-ce que ce n'est pas des romans initiatiques davantage que des romans avec un arrière-fond religieux ? Si, mais de toute façon, dans la manière dont elle conçoit l'accès à la religion, en fait, les enfants agissent d'abord de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'ils prennent les éléments qu'ils ont, et puis à un moment donné, ils se rendent compte que même avec tous les éléments qu'ils ont, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas sur le sens de la vie, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils admettent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils accèdent d'une certaine manière au mystère de la foi. Mais en fait, elle pose des problèmes. Comme c'est quelqu'un qui a grandi dans la controverse, ça ne la dérange absolument pas de débattre de questions religieuses, en fait. Même si elle-même est convaincue de l'existence de Dieu. Ah oui, complètement. Complètement. Et en même temps, ça ne la dérange pas non plus de dire « Alors, moi, la parabole du Christ, je ne comprends pas. Je vous dis que je ne comprends pas, parce qu'on ne va pas faire comme si on comprenait. » Et d'écrire des enfants qui disent « Mais moi, si j'étais Dieu, mais je ne ferais tellement pas comme ça. » Vous voyez, il y a quand même cette part de liberté autour de ça. Elle a d'ailleurs écrit des livres de vulgarisation religieuse à destination des enfants. Oui, parce que c'était la crise. Renan venait de publier La vie de Jésus. Et donc Renan, pour la première fois, a dit « Jésus, c'est un homme formidable ». Révolte dans tous les milieux catholiques, parce que Jésus est un homme, c'est pas possible. Et donc elle écrit aussi en réaction à ça. Et elle est complètement influencée par ça, parce qu'elle essaye de donner, pour certains miracles ou pour certaines choses, des réponses scientifiques, en fait, autant que faire se peut. Et là, on voit quand même qu'elle est moderne, c'est qu'elle adapte la Genèse, elle affirme que Dieu a créé Ève à partir d'Adam pour montrer l'union intime qui devait exister entre l'homme et la femme, et l'égalité, du coup, de l'homme et de la femme, ça c'est quand même sacrément moderne pour l'époque. Ouais, ça a été sacrément censuré. Et elle dit aussi que, bon, Adam, il est bien gentil, mais que s'il avait dit qu'il avait sa part de responsabilité au lieu de dire c'est la faute à Ève, peut-être que Dieu aurait réagi un peu autrement. Merci beaucoup, Maïalène Barasategui. Je rappelle que votre ouvrage, La Comtesse de Ségur ou le charme discret de la subversion, est toujours disponible aux presses universitaires d'Oussa. De Rennes. Mais de Rennes, bien sûr. Tout de suite, Jacques Bonafé. Bonjour, cette semaine, notre choix de poème s'est fait sur le grand poète russe Ossip Mandelstam. Premier poème est traduit par Philippe Jacoté dans « Simple promesse » édité par la Dogana. « Je me suis lavé de nuit dans la cour. Le ciel brillait d'étoiles grossières. Leur lueur est comme du sel sur la hache. Le tonneau plein jusqu'au bord refroidit. Le verrou est tiré sur le portail. » Et la terre en conscience est rude, de trame plus pure que la vérité, de cette toile fraîche on n'en trouvera pas. Dans le tonneau, l'étoile fond comme du sel, et l'eau glacée se fait plus noire, plus pure la mort, plus salé le malheur, et la terre plus vraie et redoutable. Texte écrit en 1921. Ossip Emilievitch Mandelstam a été appréhendé, condamné, puis exilé pour avoir récité devant un petit groupe d'amis une épigramme contre Staline dans laquelle celui-ci est qualifié de montagnard du Kremlin. Nous vivons sans sentir sous nos pieds de pays et l'on ne parle plus que dans un chuchotis. Si jamais l'on rencontre l'ombre d'un bavard, on parle du Kremlin et du fier montagnard. Il a les doigts épais et gras comme des vers et des mots d'un quintal précis comme des fers. Quand sa moustache rit, on dirait des cafards, ses grosses bottes sont pareilles à des phares. Les chefs grouillent autour de lui, la nuque frêle, lui parmi ses nabots se joue de tant de zèle. L'un siffle, un autre miaule, un autre encore jeun, lui seul pointe l'index, lui seul tape du poing. Il forge des chaînes, décret après décret, dans les yeux, dans le front, le ventre et le portrait. De tout supplice, sa lippe se régale, le géorgien a le torse martial. Textes qui, comme les poèmes nouveaux publiés après la mort de Mandelstam, ont été transmis oralement, appris par cœur, par sa femme Nadiejda et ses amis. Celui-ci a été écrit quelques mois après octobre 17, à Cassandre. Je n'ai dans les instants épanouis cherché Cassandre, ni tes lèvres, Cassandre, ni tes yeux, mais en décembre, veille solennelle, le souvenir nous tourmente. Et en décembre 1917, nous avons en aimant tout perdu. L'un fut dépouillé par la volonté du peuple, l'autre s'est dépouillé lui-même. Mais si cette vie est la nécessité du délire, et si les hautes maisons font une forêt de vaisseaux, envole-toi, victoire aux bras coupés, toi l'hyperboréenne peste. Sur la place, parmi les automitrailleuses, je vois un homme. Il épouvante les loups avec des tisons enflammés. La liberté, l'égalité, la loi. Cher Cassandre, tendre amour, tu te consumes, tu te lamentes. Pourquoi brillait le soleil d'Alexandre? Voici 100 ans brillait pour tous. Un jour, dans la capitale insensée, à la fête des Scythes au bord de la Neva, dans le vacarme du bal répugnant, on arrachera le châle de la tête splendide. C'était Jacques Bonafé qui lit toute cette semaine des textes du poète russe Ossip Mandelstam, La Compagnie des Auteurs, une émission réalisée comme chaque jour par Laurence Millet, voilà qu'elle s'achève. À la console, il y avait Théo Gomard, à la préparation Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau, que je remercie. Demain, suite de notre exploration de l'univers de la comtesse de Ségur, Isabelle Nière-Chevrel nous parlera plus largement des illustrations qui ont accompagné ses livres, ainsi que de la place qu'elle accorde aux étrangers dans son œuvre. En attendant, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission ainsi que les précédentes, tout cela sur notre site. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Très bon après-midi à toutes et à tous.